Naturisme. Vivre libre et nu, telle est ma vertu. Courir à toute allure dans la folle nature, sentir le soleil, le vent, la vie, caresser ou fouetter ma peau, me faire lécher par l'eau des vagues ou de la pluie, t'entraîner dans un bois, m'allonger avec toi dans l'herbe tendre et te prendre. Confier nos baisers, nos amours, nos ébats, fruits de chair et de sang, aux oiseaux qui nous écoutent tout bas et retiennent leur chant. Puis s'envoler avec eux dans un rire, à l'instant si juteux du jouir. Vivre nu et mourir dans les bras doux et sauvages des nymphes du plaisir qui peuplent les bocages.